Leçon 20, 20e leçon. J'ai mal à l'estomac. Première partie. Le docteur Soula se présente. Je suis médecin. J'ai un cabinet à Paris. Je consulte tous les matins. Un jour, vous serez probablement malade. Je n'en serai pas trop mécontent. Parce que ce jour-là, j'aurai le plaisir de faire votre connaissance. Nous aurons l'occasion de parler un peu. L'après-midi, je pars en tournée pour visiter mes malades. Naturellement, le dimanche, je ne donne pas de consultation. J'essaie de me reposer. Mais il y a presque toujours une urgence ou deux.